suis arrivé seul, moi c'est sûrement. Et seulement les mecs qui me traînent sont sincères, sincèrement. Moi-même je sais qu'faut s'insérer, se serrer les coudes, féliciter les gens qui t'écoutent sans coup de beaucoup, ni coup de blues. Pendu la corde au cou, il y a que la misère qu'on nous accorde. Beaucoup sont dans mon cas, pécou des quêtes, la danger jusqu'à Best Bar. T'inquiète pas, on se barre tous sans baratin. Faut le dire, on nous l'a promis, trop tôt, mais erreur des comicos à l'heure du dernier trop, mais on promet ça. Écoute, t'as fait passer le message, la rue fait faire des péchés, la croix du prochain pécheur. On crèche toujours en tèche pour s'intégrer, on parle d'échange, belle France amour et eau fraîche. On veut de la fraîche, même en calèche, on se tape des barres, triche, emploie les antisèches. Ouais, ma déjonpie, village de 16 piges, moi mon rap un prestige, puis mon monde m'a presqu'île, j'esquive malgré ce qu'ils disent, mon train de vie, vie. Ne s'arrête pas à quai, moi. Pareil que je rappe mal, toujours sur mes aguets. Guette les inquiets, je veux pas les saquer, je les laisse à quai. Je rappe sans arrêt, toujours sur un trajet direct. Fais mal les mots que je laisse, ouais. J'invoque la tête, stress, trop de douleur et peine. Couleur ébène, et certaines scènes finissent en bain de sang. Trop de frères tombent, je suis en train de trembler. Alors qu'on voulait vivre ensemble, on voulait vivre ensemble, de ne jamais se quitter. Nos rêves finissent ensemble comme un billet brûlé. Si je devais déclarer ma flamme à ma musique, je lui dirais que je l'aime, je lui dirais qu'elle m'habite. Je lui dirais combien j'ai peur de partir si vite. Que je ferai tout pour elle, je suis sa partie civile. Rien à foutre, main scène, je serai encore au bord du périph. La roserai à Bercy, j'écris mes périples, trop de péripéties m'ont rendu pessimiste, j'ai trop de tics. Quand je tue mes nerfs optiques pour vous observer, certains me critiquent, d'autres restent préservés. Trop de clic-clic, pendant que ma clique elle persévère. On se préserve, narcotiques sont nos rêves. Souvent on fout la merde sur quelques partitions. On se déchire entre potes, on se décalote, vol avec le culot. C'est pas pour rien si on m'appelle Carotte. C'était bien quand on se cachait, je kifferais arrêter la clope. Aujourd'hui comment cours, je serai encore à la porte. Que Dieu m'accorde le pardon sur trop d'erreurs. Je suis certainement pas parti des patrons. Moi je me suis vu sortir pour trouver l'inspiration. Au milieu de ce béton j'ai vu arriver l'affection envers certains. Y'a pas de but sans action, faut faire l'amour et pas la guerre. Jamais taper sans raison si je m'exprime. C'est que j'aime mes ruelles, toujours les pieds sur la nacelle. De Beauvais jusqu'à Sarcelles, on se rue dans la rue. Par le regard on se tue, on voit des larmes sur nos visages. On est trempé de l'amertume. Aïe, torca, c'est ça, c'est ça. Yeah, yeah. This is Sandwich Production. Écoute, 187, ça fait G. Stickman, Scorsese, Corsa, ça fait 187. Sortez les mouchoirs, 187. On déroule, on fait mal, toujours 187. Corsa, ça fait 187. Sortez les mouchoirs, On se noie dans l'alcool, fume dans les gorges. J'ai le son qui dégorge comme un joint qui te cogne. Par contre te frappe, c'est la haine dans le froc. Le son te rattrape, on me la frappe, te dégomme. J'voulais le bord avec mes amis. 187 contre la Miami, ami mec contre la Miami, monte sur le bité. J'tape dans les bacs, tape ton attaque, défend tous mes frères du 4-9 au 4-4. 4 MC plus 2 font 6, tu bac dans les bacs, demande à mes gars. Mec de l'ouest, quand tu veux, reste vrai, puis ouvre les yeux. Le son m'entraîne, m'emmène où je veux. Il reste vrai parce que moi je veux. T.O.R, là tu ma mère, boycott le son, j'te nique ta mère. Les frères du terre-terre sont des terres pour des dégâts et ton système. Mène ma défense comme Caillou ou Kovac. Les putes finissent à caille. Pas pop pop pop pop. Pas professionnel du drive-by. En 4-4 calèche, y'a aucun pote calèche. On veut tous peser lourd, se faire écouter comme râler. Irréaliste cause, conseil et conséquence. Parlons des consos. Des tableaux cachant la misère comme ce Picasso. Sortez vos mouchoirs, l'équipe est au complet. Tous les potos viennent au parloir avec une moto de compète. On fait du slur sur la piste, on s'en fout de la vie d'artiste. Peu importe le succès, faut faire ça bien dans le dessert. Sortez vos mouchoirs, l'équipe est au complet. Tous les potos viennent au parloir avec une moto de complet. On fait du slur sur la piste, on s'en fout de la vie d'artiste. Peu importe le succès, faut faire ça bien dans le dessert. Les pauvres des hauts, là des révolus. On se casse la gueule et on évolue. Marche à peine que tu fais le dur. Sale système demande à baladure. Triste jeunesse pour les jeunes de la UR. Sorti du reste pourvu que ça dure. Dans les enceintes du ghetto ça ça dure. Mais les problèmes de décollage ça urge. Trois imitants, tout le monde est essoufflé. Appelle les pompiers, le feu faut l'étouffer. Tous les minots ils croient qu'ils ont tout fait. Comme des dominos ils vont tous s'écrouler. Les darons sont saoulés sans alcool. Leurs fils on travaille plus à l'école. Ça vend de la drogue, style de l'alcool. Ils guident leurs meufs, flirtent avec la tôle. Trop de marionnes, un regard mal placé. Pli de guignol passe le fer à repasser. Le cerveau, les yeux fracassés. Bientôt dans les cieux, faut pas vous fracasser. Accélère et te botte le derrière. J'ai plus de source qu'une putain de commère. À la rescousse, t'appelles tous tes frères. Une fois seul, tout t'as plus de repères. J'suis né dans le conflit, le nez dans la coque. Les frères en conduit fort, monter la côte. Impossible, les chemises sur les côtes. Suite à cible, on sera mort côte à côte. J'ai le bras long et mes pantons aussi. Toi, tu dis, c'est la même et t'inquiète, je la scie. Tu nous suis comme un chien rangé. J'crois qu'au final, on va taper la scie. Sortez vos mouchoirs, l'équipe est au complet. Tous les pantons viennent au parloir avec une moto de compète. On fait du smurf sur la piste. On s'en fout de la vie d'artiste. Peu importe le succès, faut faire ça bien, toi-même tu sais. Sortez vos mouchoirs, l'équipe est au complet. Tous les pantons viennent au parloir avec une moto de compète. On fait du smurf sur la piste. On s'en fout de la vie d'artiste. Peu importe le succès, faut faire ça bien, toi-même tu sais.